بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لوانجا الله et que ses éloges et le salut soient sur son messager, sa famille et l'ensemble de ses compagnons et ceux qui les suivront dans la bienfaisance jusqu'au jour dernier. Ceci dit, nous allons aborder, Inch'Allah, la suite des quelques règles que nous avons commencé à énumérer hier et à expliquer concernant le principe de la droiture, al-istiqama. Nous avions vu que la première règle et le premier principe consiste à savoir que la droiture, al-istiqama, est un bienfait divin et un don venant du Seigneur. Quant à la seconde règle à connaître, c'est que la réalité de la droiture, c'est d'être attaché à une méthodologie saine et une voie droite. Et nous allons lire à ce sujet certaines paroles de Salaf en continuant de nous baser sur le livre du Shir Abdelrazzaq ibn Abdel Muhsin al-Badr intitulé Ashru Qawa'id fil Istiqama. Nous allons donc nous baser sur ce livre et continuer à le faire et nous permettre de temps en temps quelques parenthèses selon le contexte et la situation. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu a dit en commentaire de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah puis ont fait preuve de droiture, il a dit ils sont ceux qui n'ont rien associé à Allah, comme cela a été rapporté par At-Tabari dans son tafsir, dans son exégèse du Coran. Également, At-Tabari a rapporté de Omar ibn al-Khattab qu'il a lu ce même verset, à savoir « Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah » puis ont fait preuve de droiture. Il a dit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas agi avec ruse comme le fait le renard. At-Tabari a également rapporté d'Ibn Abbas dans le sens de la parole, puis on fait preuve de droiture, toujours dans le même verset. Il a dit le droit chemin ici, la droiture désigne l'attestation que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Donc l'attestation de la ilaha illallah. Et cela a été également rapporté de Anas, de Mujahid et d'Al-Aswad ibn Hilal et de Zayd ibn Aslam, ainsi que de As-Suddi et de Ikrima et d'autres parmi les éminents savants parmi les salafs. Et il a également été rapporté, toujours d'Ibn Abbas, qu'il a dit ce sont ceux qui ont fait preuve de droiture dans l'accomplissement des obligations. Quant à l'imam al-Mawardi, rahimahullah, il a rapporté dans son livre An-Nukat wal-Uyun que Abu al-Aliya a dit, donc toujours en expliquant qui sont ces gens-là qui ont fait preuve de droiture, il a dit ce sont ceux qui lui vouent exclusivement le culte et l'œuvre. Et enfin Qatada, comme cela a été rapporté par Abdelrazzaq dans son livre Al-Musannaf, il a dit ثُمَّ اسْتَقَامُوا, puis ont fait preuve de droiture, c'est-à-dire qu'ils ont fait preuve de droiture dans leur obéissance à Allah. On a donc ici plusieurs paroles qui expliquent ce principe-là, qui est le sujet donc de ces quelques brefs rappels. Certains ont dit que c'est l'absence de shirk. Donc la droiture, c'est l'absence de shirk. Le polythéisme. Certains ont dit que c'est l'absence de ruse vis-à-vis d'Allah. D'autres ont dit que c'est l'attestation de l'unicité. Ou encore l'accomplissement des obligations. Ou l'exclusivité du culte. Et enfin, comme on a vu d'après Qatada, que c'est l'obéissance à Allah. Le grand savant Ibn Rajab a dit dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, qui est un commentaire des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, il a dit, après avoir mentionné toutes les paroles que nous venons de mentionner, et en voulant définir le principe de la droiture à l'istiqam, il a dit c'est le suivi du droit chemin qui est la religion droite, et ce sans se tourner à droite ou à gauche. Et cela englobe l'accomplissement de l'ensemble des actes d'obéissance et le délassement de tous les interdits. Cette recommandation, donc c'est-à-dire la recommandation de la droiture, est une recommandation générique qui inclut donc la religion dans son intégralité. Nous nous rendons donc compte, à partir de cela, que ces diverses interprétations et explications qui ont été avancées par les salafs en vérité se rejoignent et ne sont pas en contradiction. Plutôt chacun a abordé le principe de la droiture à l'istiqama selon un point de vue. Et en réunissant ces paroles, nous nous rendons donc compte de la portée de ce principe-là. Et qu'en vérité, comme l'a dit Ibn Rajab, c'est une recommandation générique qui inclut la religion dans son intégralité. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit dans son livre Madarij al-Salikin, il a dit que la droiture et l'istiqam, c'est un terme générique qui comprend la religion dans son ensemble. Elle consiste à se lever pour Allah, faisant réellement preuve de véracité et en remplissant l'engagement pris avec lui, donc l'engagement de son obéissance. Troisième règle et troisième principe à connaître, c'est de savoir que la base de la droiture réside dans le cœur. Après donc avoir abordé le second, qui consistait à dire que la réalité de la droiture, c'est d'être attaché à une méthodologie saine et à une voie droite, nous allons donc aborder ce troisième principe-là, à savoir la base de la droiture réside dans le cœur. Avant cela, j'aimerais attirer l'attention vers quelque chose d'important et essayer de réfuter une parole que l'on retrouve chez certaines personnes et qui est une parole erronée. Elle est de dire un tel est droit. On dit qu'un tel est mustaqim ou un tel est multazim, mais il n'a pas un bon manhaj, c'est-à-dire il n'a pas une bonne voie, une bonne méthodologie. Ou alors on va dire un tel est droit, mustaqim, multazim, mais il n'est pas salafi. Ou alors on dit qu'il est mustaqim, multazim, qu'il est droit, mais il n'est pas dans la sunna. Après avoir abordé ce deuxième principe-là et cette deuxième règle que nous venons d'expliquer, nous pouvons nous rendre compte de la fausseté de cette parole-là, car quelqu'un ne peut pas être droit, mustaqim, multazim, dans le sens premier du terme et dans le sens véritable du terme, qu'en étant sur une voie droite et une bonne méthodologie dans le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la voie des pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih. J'avais donc annoncé la troisième règle, le troisième principe, qui consiste à dire que la base de la droiture réside dans le cœur. En effet, l'imam Ahmed, rahimahullah, a rapporté d'après Anas ibn Malik, et le hadith a été considéré bon par l'imam al-Albani dans Al-Sahiha, Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi du serviteur ne sera droite que lorsque son cœur sera droit. Naam. Ibn Rajab a dit, toujours donc dans son livre, Jami' al-Ulum wal-Hikam, il a dit, la base de la droiture, c'est donc la droiture du cœur, faisant preuve d'unicité et proclamant et attestant de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Conformément à l'explication apportée par Abu Bakr Siddiq et d'autres que lui, à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises, « Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu » Ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah » puis ont fait preuve de droiture. Il a dit « Car ils ne se sont pas tournés vers autre que lui. » Car ils ne sont pas tournés vers autre que lui. C'est-à-dire vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'ont cherché que son agrément. Ibn Rajab de continuer en disant, à partir du moment où le cœur est droit, en s'imprégnant de la connaissance d'Allah, de sa crainte, de sa vénération, de son amour, de la recherche de son agrément, de son espoir, de son invocation, de la confiance en lui, et du détournement de tout ce qui est autre que lui, alors l'ensemble des membres seront aussi droits dans l'obéissance. Et ce, car le cœur est le roi des membres. Et ces derniers sont ses soldats. Et si le roi est droit, alors ses soldats et ses sujets le seront également. Et dans ce sens-là, Ibn al-Qayyim s'est également prononcé hormis qu'il a également mentionné la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu an tala l'agré, qui a dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, n'y a-t-il pas dans le corps un bout de chair qui lorsqu'il est bon fera que l'ensemble du corps le sera? Et n'est-ce pas que ce bout de chair là c'est le cœur? Ainsi on se rend compte de l'importance du cœur, et que c'est dans le cœur que réside la base de la droiture, l'istiqam. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat Ghafir, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur sain. Dans ce sens-là, l'imam Ahmed ainsi que An-Nasa'i ont rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que parmi ses invocations il y avait « Ô Allah, je te demande un cœur sain. » Et ce hadith a été recensé par l'imam al-Albani dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha. Nous nous en tiendrons à cela, incha'Allah, pour aujourd'hui. Et nous continuerons la prochaine fois, incha'Allah, avec la quatrième règle et le quatrième principe à connaître relatif à la droiture. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين